me say Sanger. Tax, tax, fax, fax. Romana fax, un enfant à l'anthrax. Un coup de scamassax, un prend ce coup pis relax. Prends deux, trois, ex, lax, bis. Slack, le smack. Pas un pic, pas un mac. Fou comme un braque, pis j'te braque. Tu sais que t'avais la claque drette dans le Big Mac. Mon gun n'est plus dans le rack. Tabarnak. Pas que tu l'aides, tu l'aides, t'es du moins net. Serpent à sonnette. Hey, check ça, mon gun, man. C'est la caravane. Solide se